Bien-aimé, je veux t'exhorter. Toi qui es enfant de Dieu, tu as prié, tu as prié, tu as prié, tu as un besoin. Mais tu ne vois pas le résultat. Parfois, tu es découragé. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, ne lâche pas prise. La Bible nous raconte l'histoire d'un homme, Zacharie. Il avait une femme qui s'appelait Élisabeth. La Bible raconte que ce couple servait le Seigneur d'une manière irréprochable. Mais ce couple n'avait pas d'enfant. L'enfant, c'est une bénédiction de Dieu. Voilà un couple qui suivait le Seigneur d'une manière, la Bible dit bien, d'une manière irréprochable. Mais la bénédiction de Dieu n'était pas dans leur couple, c'est-à-dire n'avaient pas l'enfant. Zacharie et Élisabeth, qui suivaient Dieu, ont prié, prié, faire des jeûnes et des prières. L'enfant n'était pas là. Mais ils n'ont pas abandonné le Seigneur. Un jour, alors que Zacharie, dans sa fidélité à Dieu, était au temple, Gabriel vient lui dire, ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth aura un enfant. Bien-aimé, écoutez la réponse de Zacharie. Zacharie dit, mais vu l'âge qu'on a, à mon âge, mon épouse, c'est une vieille femme. Ça va se passer comment? Vu notre âge, ma femme a déjà la ménopause. Mais ça veut dire quoi, bien-aimé? Cette façon de parler de Zacharie. Ça veut dire que lorsque Gabriel parle à Zacharie, Zacharie n'espérait plus. Zacharie ne croyait plus qu'il aura un enfant dans sa vie. C'est sûr que lorsque Zacharie avait 25 ans, lorsqu'il avait 30 ans, lorsqu'Élisabeth avait 25 ans, lorsqu'Élisabeth avait 30 ans, ce couple priait pour avoir un enfant. Si Gabriel avait dit à Zacharie, quand Zacharie avait 37 ans, et qu'Élisabeth a 30 ans, si Gabriel lui avait dit, Zacharie, ta femme sera enceinte, pour Zacharie, c'était tout à fait normal. Parce que sa femme ayant 30 ans, elle était encore en âge de faire un enfant. Mais venir me dire ça aujourd'hui, moi j'ai prié le Seigneur des années, des années, des années, des années, je n'ai rien vu. Au moment où je ne crois même plus, que je n'espère plus, hein, Gabriel, tu me parles de quoi? Ça va se faire comment? Là où on pourrait voir, avoir l'enfant, on l'a déjà dépassé. C'est maintenant là. Comment ça va se faire? Élisabeth, la vieille là, elle a déjà même la ménopause. En fait, ce que Dieu voulait que Zacharie et Élisabeth comprennent, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Même si, peu importe rien, Dieu est Dieu. Rien n'est impossible à ce Dieu-là. Ça fait des années que tu demandes à Dieu ce que tu demandes à Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Ce qui est intéressant dans l'exemple de Zacharie et de Gabriel, c'est que alors que Zacharie, vu son âge, ne croyait plus que Dieu allait lui donner un enfant. C'est là où Dieu lui a donné un enfant. C'est-à-dire, Dieu n'a pas dit, écoute-moi bien, Dieu n'a pas dit, quand je regarde le cœur de Zacharie, lui qui me demandait beaucoup plus l'enfant avant, mais quand je regarde son cœur aujourd'hui, parce que Dieu connaît nos pensées, il voit, Dieu a le pouvoir de lire dans nos cœurs. Quand Dieu regarde le cœur de Zacharie, il voyait un cœur qui n'avait plus la foi. Il voyait un cœur qui se disait, là c'est trop tard, vu mon âge. Mais Dieu a quand même exaucé la prière de Zacharie. Dieu n'a pas dit, comme il n'a plus la foi, avant il avait la foi, mais depuis qu'il a pris de l'âge, il ne croit plus. Bon, comme il ne croit plus, je ne donne pas. Non, Dieu a donné, parce que quand Zacharie avait fait la demande, à cette époque, il avait la foi. Ce n'est pas parce que il n'a plus la foi maintenant que je ne vais pas donner. Vous voyez l'amour de Dieu. Vous voyez à quel point Dieu n'est pas comme nous. Dieu est un Dieu d'amour. Zacharie dit à Gabriel, vu mon âge, la vieille qui est là-bas à la maison, ça va se passer comment? mais l'enfant est né. Bien-aimé, est-ce que tout le monde en Israël a attendu d'être vieux pour avoir un enfant? Non! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de nous, Dieu a un plan pour toi. Le plan que Dieu avait dans la vie de ce couple était, parce que tous les gens d'Israël n'ont pas eu un enfant qui était comme Jean-Baptiste. Dans le plan de Dieu, il était question que Zacharie, Jean-Baptiste que je dois envoyer, qui va préparer la voie du Seigneur, mon fils, il doit naître dans la vie de secours. C'est pourquoi Zacharie et Élisabeth, depuis leur jeune âge, depuis le jeune couple, ils priaient, Seigneur, nous voulons un enfant comme les autres, nous voulons un enfant. L'enfant ne venait pas. Pas que Dieu ne voulait pas leur donner un enfant, mais parce que Dieu avait un plan dans la vie de ce couple. Un, l'enfant devait naître dans les temps fixés par Dieu. Deux, cet enfant fera que dans toute la région, d'abord, la Bible dit, tout le monde parlait de cet enfant. Parce que les gens étaient étonnés. Les gens ne pouvaient pas dire, c'est pas de Dieu. Les gens étaient convaincus que ça, c'est un miracle de Dieu. La vieille femme là, ça ne peut qu'être un miracle de Dieu, vu son âge. Donc déjà, la naissance de Jean-Baptiste fait que les gens pouvaient glorifier Dieu en disant, il n'y a que Dieu qui peut faire naître, faire enfanter une femme de cet âge. Donc, mon frère, ma soeur, je ne sais pas depuis combien de mois, depuis combien d'années, tu pries, tu n'as pas le résultat. Soit tu n'as pas le résultat parce que ce n'est pas le temps fixé par Dieu, soit tu n'as pas le résultat parce que ce n'est pas dans le plan de Dieu. Je veux vous parler de Jonas. Dieu voulait que Jonas aille à Ninive et Jonas, dans sa tête, dans son plan, dans ses désirs, lui voyait autre chose. Imaginez que Jonas prie pour que Dieu lui ouvre la porte dans là où il voulait aller. Je peux vous dire, il peut faire 1000 jeûnes et prières, Dieu n'allait pas répondre. Parce que c'est Jonas lui-même qui a choisi cet itinéraire, alors que l'itinéraire de Dieu était que Jonas aille à Ninive. Donc parfois, quand nous prions, nous devons nous poser la question, est-ce que ce que je demande est vraiment la volonté de Dieu? Parce que la Bible dit que nous avons l'assurance auprès de lui, que si nous lui demandons quelque chose qui est selon sa volonté, il nous écoute et il nous exauce. Je veux vous dire certaines choses. Il y a des femmes qui sont aujourd'hui avec, je ne sais pas si c'est le fiancé ou le mari. Et parfois tu pries afin d'avoir un enfant et que l'enfant ne voit pas, l'enfant ne vient pas. Tu te dis, mon Dieu, pourquoi cet enfant ne vient pas? Tout simplement parce que Dieu sait que l'homme avec lequel, celui avec lequel tu es là, n'est pas l'homme de ta vie. C'est-à-dire, ça va se... Dieu sait que l'homme là va te cracher demain. Il y a beaucoup de choses. C'est Dieu qui connaît les choses. C'est Dieu qui connaît les choses. Dieu ne se trompe jamais. Donc, c'est pourquoi soyons comme Jean-Baptiste dans le sens, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le résultat qu'on va abandonner l'œuvre de Dieu. La Bible dit, Zacharie et Élisabeth étaient servait le Seigneur d'une manière irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfant, mais ils n'ont pas abandonné Dieu. Ils n'ont pas tourné le dos à Dieu parce qu'ils n'ont pas d'enfant. Ils ont continué à servir le Seigneur. Continue à servir le Seigneur. Dieu va se manifester dans ta vie parce que Dieu connaît tes besoins. Dieu ne veut pas forcément agir en fonction de tes besoins. Dieu va agir en fonction du plan qu'il a pour ta vie. Jésus a dit, demandez afin que votre joie soit complète. Il sait de quoi il parle. Pour que ta joie soit complète. Pour que ta joie soit complète. Il est important de demander, la prière qu'on devrait faire tout le temps, c'est Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Seigneur, là où je suis là, est-ce que je ne me suis pas trompé? Seigneur, guide-moi. Parce que si toi-même tu as pris une direction et que tu te retrouves confronté à des difficultés, et que tu continues à prier pour que Dieu ouvre la porte ne va pas s'ouvrir. Parce que cet itinéraire-là n'est pas de Dieu. C'est toi-même qui as choisi cet itinéraire. Donc, nous ne devons pas. La Bible dit ceux qui sont, les personnes qui sont conduites par le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons prier pour connaître la direction de Dieu. Mon frère, ma soeur, reste fidèle au Seigneur. Continue l'œuvre de Dieu. Continue ta prière. Continue à lire la Bible. Dieu ne t'abandonnera jamais. Ce que Dieu va faire dans ta vie, Dieu va te surprendre comme il a surpris Zacharie et Élisabeth. Même si tu ne crois même plus, continue à rester fidèle dans l'œuvre de Dieu. Dieu, c'est ton papa. Il viendra un temps où il va glorifier son nom dans ta vie. Et d'une manière formidable, au point où toutes les personnes qui te connaissent viendront vers toi. C'est pas possible, Élisabeth. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu peux être enceinte? Toi là, l'enfant, mais c'est venu comment? C'est pas possible. Tu as vu quel médecin? C'est-à-dire que les gens viendront vers toi. Parce que ce que Dieu va faire dans ta vie, va les toucher. Et c'est Jésus-Christ qui sera glorifié. Que Dieu te bénisse.